La musique c'est ce qui me porte, loin des soucis. Je me sens ailleurs, je sais pas, je m'envole loin d'ici. Je commence à écrire un mot, puis des phrases entières. Je laisse partir mon stylo, mes idées n'ont pas de barrière. Ce qui est bien dans le rap, c'est que les thèmes sont variés. Chacun dit ce qu'il veut, sans avoir à s'imiter. Ouais c'est vrai, le rap, c'est mon coaching ball. Je tape et je retape dans ce monde sale. Je me suis dit, oh bah voilà, c'est chez moi, je mes mix moi-même. Et puis voilà, le résultat c'est d'avoir la passion. Moi je fais pas ça pour des millions. Le succès, donc je cours pas après. Il paraît que ça te rend ouf et te fait déprimer. J'ai pas envie d'avoir devant chez moi des papas addicts. Si y'en a qui se pointent, un coup de poing dans sa gencive. Je viens dénoncer les soucis, les problèmes de la société. Essaye de m'arrêter. Faut que sur mon son, Sarko danse. Un pas, deux pas, et ça recommence. Je viens dénoncer les soucis, les problèmes de la société. Essaye de m'arrêter. Faut que sur mon son, Sarko danse. Un pas, deux pas, et Sarko flanche. Reste simple, tout en étant professionnel. Je joue pas la racaille, je joue pas aux rebelles. Si je veux dire quelque chose, bah je vais pas me gêner. Car si je garde pour moi, je me connais que je vais exploser. Je représente mon département, Maine et Loire. Mon état d'esprit c'est haine et gloire. La rage dans le vide, la haine dans le vide. Si j'ai envie de sortir 300 titres, bah c'est moi qui décide. Et puis quand rapper serait un crime, laissez-moi dénoncer que dans ce pays on crime. C'est sur mon son que Sarko danse. Un pas, deux pas, et ça recommence. Je serai une vie sans travail, et que je peux avoir des vacances, faut que je me taille. On dit souvent que la vie doit être meilleure ailleurs. On se rend pas compte que mieux qu'ailleurs, ici on a le bonheur. Je viens dénoncer les soucis, les problèmes de la société. Essaye de m'arrêter. Faut que sur mon son, Sarko danse. Un pas, deux pas, et ça recommence. Je viens dénoncer les soucis, les problèmes de la société. Essaye de m'arrêter. Faut que sur mon son, Sarko danse. Un pas, deux pas, et Sarko flanche. Perso, je crève pas la faim, j'ai toujours le ventre plein. Je vis par-dessus de mes moyens, et je m'en sors bien mieux franchin. Quand y'en a qui me prennent la tête, soit je me cache, ça finit à coups de tête. Trop de personnes jouent les starlettes. Moi c'est pas mon trip, je suis pas une tapette. Par derrière ou par devant, c'est toi qui choisis ma grande. Tu kiffes plus à l'œuvrette que la branlette. T'inquiète, je resterai tendre. Je masse pas mes mots, je reste fidèle à mon vocabulaire. Ils peuvent me censurer, y'aura toujours de la kiff. Rosen dans l'air. Je viens dénoncer les soucis, les problèmes de la société. Essaye de m'arrêter. Faut que sur mon son, Sarko danse. Un pas, deux pas, et Sarko.